Tandis que Luc dit le mot truc et que Marcelin dit le mot machin, j'ai ma petite phrase bien à moi, un truc machin qu'on n'oublie pas. Quand on ne trop veut rien à dire, c'est la petite phrase qu'on peut sortir. Jamais ma phrase, non, ne se démord. Oh, de je vous dis mon cul sur la commode. Tandis que Rose dit le mot chose et que Hercule dit le mot bidule, j'ai ma petite phrase bien à moi, un bidule chose qu'on n'oublie pas. Quand on ne trop veut rien à dire, c'est la petite phrase qu'on peut sortir. Jamais ma phrase, non, ne se démord. Oh, de je vous dis mon cul sur la commode. Tandis que José dit le mot mouet et que Fernand dit le mot banan, j'ai une petite phrase bien à moi, un mouet banan qu'on n'oublie pas. Quand on ne trop veut rien à dire, c'est la petite phrase qu'on peut sortir. Jamais ma phrase, non, ne se démord. Oh, de je vous dis mon cul sur la commode. Tandis que Christophe dit le mot bof et que Bernadette dit le mot peut-être, j'ai une petite phrase bien à moi, un bof peut-être qu'on n'oublie pas. Quand on ne trop veut rien à dire, c'est la petite phrase qu'on peut sortir. Jamais ma phrase, non, ne se démord. Oh, de je vous dis mon cul sur la commode. Tandis que Léon dit le mot abon et que Bastien dit le mot un, j'ai une petite phrase bien à moi, à un ben un qu'on n'oublie pas. Quand on ne trop veut rien à dire, c'est la petite phrase qu'on peut sortir. Jamais ma phrase, non, ne se démord. Oh, de je vous dis mon cul sur la commode.